Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 euros. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Point de vente soumis au code de la mutualité. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, conditions et engagements sur écoutezvoir.fr. J'aurais voulu être Fred Sixiste pour pouvoir faire mon numéro quand Blockbuster est sur la liste de tous les geeks quarantenaires, de tous les geeks quarantenaires. Salut Frédéric, juste un petit message, ton épisode sur Starmania, c'était génial. Par contre, vous avez dit qu'aucun gros nom était dans la version de 93. C'est quand même là qu'on a découvert Bruno Pelletier, qui est devenu Jean Grégoire de Notre-Dame. Au revoir. J'ai toujours rêvé de Blockbuster. Je voudrais passer à la radio. Frédéric, c'est le plus beau. La version 93 de Starmania, elle était super bien. Parce qu'en plus, Bruno Pelletier, il était trop bon dans le rôle de Johnny Roquefort. Voilà. Bref. Sinon, je suis un tout petit peu déçue parce que Julien, t'as pas fait une seule imitation pendant toute l'émission. Qu'est-ce qui se passe? T'es devenu sérieux? Bonne journée à tous. Ciao! Je voudrais venir à France Inter. Si jamais c'était plus beau. Plus beau dans le studio. Studio. Bonjour Blockbuster, je m'appelle Raoul, j'ai 11 ans. J'adore votre émission, je suis un grand fan de pop culture. J'ai juste une petite suggestion d'émission. Est-ce que ce serait possible de faire une émission sur Pacific Rim et une sur My Hero Academia? Voilà, c'était tout. Merci Blockbuster. Et coucou Blockbuster, bah, vous m'aviez manqué. Alors, je vois que... je sais même pas comment ça se prononce. Genshin Impact. Vous faites maintenant des blockbusters avec des choses dont je suis même pas au courant de ce que c'est. Et franchement, ça me donne un coup de vieux. Donc, ouais, alors entre ça et la retraite, il va falloir bosser plus. Franchement, je vais désespérer. Quoi. Voilà, je me sens vieux. Voilà, même plus vintage, vraiment vieux. Mais bon, je vous aime quand même et je vous écoute. Allez, faites-moi découvrir les choses. Bisous. To be or not to be, not to be. Mon cher téléphone, il faut qu'on parle. Je ne te supporte plus. Je me souviens de toi dans les années 80, humblement posé sur un apron crocheté au fond du couloir avec ton cadran mécanique qui ne laissait pas de place à l'erreur. Pas de sonnerie personnalisée, pas de tube du moment récupéré dans sa bibliothèque musicale. Pour te faire entendre, tu n'avais que ces tring, tring retentissants. Maintenant, regarde-toi. Je t'ai donné la main pour un oui ou pour un non. Et quand tu sonnes, je suis surpris tant j'avais oublié que tu servais initialement à ça. Tu as remplacé le calendrier des pompiers. Tu retiens mieux les anniversaires de mes amis que moi. Tu as rendu obsolète le GPS de la voiture. Tu comptes mes pas et me dis quand est-ce qu'il faut que je sorte et à quelle heure je dois me coucher. Tu as ruiné l'industrie du disque, du CD. Tu as éliminé la télé. Tu t'attaques désormais au cinéma. Avec tes jeux toujours mieux faits et faussement gratuits, tu t'es même attaqué aux consoles et aux ordinateurs. Fais pas l'innocent. Tu as même lancé une OPA sur le porno et les sex shops. Tu es partout. Omniprésent, à notifier en permanence, à miner ma capacité de concentration. Je peux plus regarder un film sans avoir envie de te tripoter, à affaiblir notre mémoire. Mais si, tu sais bien l'acteur qui joue dans... Attends, on va regarder sur Google. Tous les jours, je te scrolle inlassablement en regardant la vie d'inconnue qui me donne l'impression que la mienne n'a aucun intérêt. Tu as fait le vide autour de moi et désormais, tu me donnes l'impression d'être un minable. Mon cher téléphone, je ne te supporte plus. Je te larguerai bien illico si ça n'était pas sur toi que j'avais écrit cet édito. Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the Kingdom of Darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the Kingdom of Darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Dans le monde merveilleux et toujours bienveillant du jeu vidéo, il y a les joueurs d'ordinateur PC qui peuvent être très très sévères avec les joueurs de console. Les joueurs de PlayStation qui peuvent être très très sévères avec les joueurs de Xbox et vice-versa. Mais tout ce beau monde se met généralement d'accord pour être très très très sévère avec les joueurs de jeux vidéo sur téléphone mobile. Pourtant, non seulement ces derniers ont un succès phénoménal qui mérite d'être évoqué, mais surtout, il y a parmi eux désormais de véritables réussites, tant artistiques que financières. Et notamment le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Genshin Impact du studio chinois miHoYo. Et pour tenter d'aller au-delà des poncifs, j'ai avec moi... évidemment, Olivier Bénis, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes journaliste jeux vidéo à France Inter et vous animez la chronique La Faute aux jeux vidéo. Tous les mardis. Avec nous également pour la première fois, Julian Madio, bonjour. Julien. Alors attendez, Julien. On va le refaire. Avec nous pour la première fois, Julien Madio, bonjour. Bonjour Fred. Moi j'étais à l'américaine. Hein. Ouais, c'est normal, on s'y habitue. Vous êtes journaliste à l'internaute, joueur assidu de Genshin Impact. Vous êtes connecté chaque jour depuis le lancement du jeu. C'est ça, sauf aujourd'hui. Du coup je vais peut-être partir maintenant pour aller jouer en fait. Ou faites le pendant, ça ne nous gênera pas. Avec nous pour la première fois également, Cyronimo, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes ex-présentatrice sur la chaîne No Life, l'émission 101%, le prime de la chaîne et un top 50 de la musique japonaise. Vous êtes rédactrice en chef du site gamingway.fr et streameuse sur Twitch, notamment sur Genshin Impact. C'est ça, tout à fait. J-top, toujours dans nos cœurs, pour ceux qui écoutent. Ensemble, on va retracer l'histoire du studio miHoYo, ses succès, le modèle économique des jeux free-to-play. Qu'est-ce qu'une telle réussite économique représente pour un pays communiste comme la Chine ? On vous expliquera en quoi Genshin Impact est un très bon jeu, son univers, son design, sa musique, sa communauté, ses polémiques aussi. Bref, embarquement immédiat pour le monde merveilleux de Teyvat. miHoYo est une compagnie qui repose sur des employés jeunes, où on trouve facilement des gens qui nous ressemblent. Au début, je n'aurais pas cru ça. Mais après les avoir rejoints, j'ai rencontré plein de gens de mon âge autour du développement des jeux. On a un peu l'impression d'arriver à la fac une nouvelle fois. Ce qui m'a attiré ici, c'est la tolérance et la diversité qu'on y trouve. Par exemple, pour ce qui est du code vestimentaire, il n'exige pas de dress code particulier. Vous pouvez venir travailler habillé comme vous voulez. Et en plus, on peut même amener nos animaux de compagnie au travail. Tout le monde sait que les créatifs à miHoYo sont des jeunes gens fraîchement diplômés. Et maintenant que les années ont passé, il y a toujours autant de jeunes dans nos équipes, complètement passionnés et qui veulent travailler sur quelque chose qu'ils aiment. Bienvenue à tous chez miHoYo, venez sauver le monde avec nous, les otakus de la tech. Et si vous aussi, vous avez envie de déménager dans un communiqué marketing de miHoYo, écoutez cette émission. Alors aujourd'hui, on parle de Genshin Impact. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Olivier Bénis, il faut expliquer aux gens, parce que quand j'évoque Genshin Impact, 9 fois sur 10, le grand public me fait « Quoi ? De quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, quelle est la différence entre ce qu'on appelle un jeu vidéo console et un jeu vidéo mobile, ce qui est initialement Genshin Impact ? Voilà, même si il a un petit peu des passerelles entre les deux. Bah, pour faire très simple, un jeu vidéo mobile, c'est un jeu que vous jouez sur votre téléphone ou sur votre tablette, donc en itinérance ou chez vous d'ailleurs. Et un jeu console, c'est un jeu que vous jouez à la maison, sur une console de jeu ou sur une console de jeu portable d'ailleurs. Donc, en gros, c'est vous jouez sur un matériel dédié aux jeux vidéo. Quand un jeu mobile, vous jouez sur, vous faites des jeux sur quelque chose qui n'est a priori pas destiné à faire ça. Et sachant que Genshin Impact, comme d'autres jeux, commence un petit peu à brouiller la frontière entre les deux, qui est déjà largement brouillée depuis quelques années, puisque par exemple sur votre téléphone, vous pouvez aussi jouer avec une manette, vous pouvez aussi diffuser l'image de votre téléphone sur votre télé. Enfin, vraiment, il y a plein de choses comme ça qui font que la frontière est de plus en plus floue entre les deux types de jeux. Oui, parce que jusqu'à maintenant, quand on pensait jeux vidéo mobile, on pensait Candy Crush, Angry Birds, etc. Mais on n'est plus du tout dans même dans cette manière, dans cette représentation du jeu vidéo. Oui, parce que a priori, le jeu mobile au départ, quand on commençait à en avoir un petit petit peu, donc c'est arrivé avec les... Enfin, c'était avant les iPhones, mais c'est arrivé surtout avec l'iPhone et avec l'App Store, et Android ensuite. C'était l'idée de faire du jeu dans le métro, jouer 5 minutes, jouer un petit peu tranquillement entre deux réunions, des choses comme ça, quand le jeu console impliquait de se poser sur un canapé, d'allumer une console, de lancer un jeu, éventuellement de mettre un disque, quand c'était encore des disques, d'utiliser sa manette, d'avoir le temps de vraiment de se lancer dedans. Donc il y avait tout un processus, en fait, pour être vraiment joueur. Ce qui a aussi créé une sorte de dichotomie entre les joueurs mobiles et les joueurs consoles, ou ceux qui se revendiquent comme tels en tout cas. Donc comme vous le disiez, les joueurs consoles et les joueurs PC ont tendance à mépriser un peu le jeu mobile en disant « c'est pas du vrai jeu ». Quand finalement, aujourd'hui, quand on comptabilise par exemple le nombre de joueurs en France, on considère qu'à partir du moment où vous avez joué à un jeu vidéo, que ce soit sur un téléphone ou sur une console, vous êtes un joueur. Et c'est de plus en plus admis, il y a de moins en moins de xénophobie anti-joueurs mobiles dans le monde du jeu vidéo. On commence à admettre que les deux, que c'est assez poreux en fait comme univers. Et d'ailleurs, quand on parle du jeu vidéo comme d'une industrie capable de concurrencer le cinéma ou de générer plus de bénéfices encore que le monde du cinéma, on inclut également tout ce qui est écosystème du jeu vidéo mobile. Pleinement, ouais, parce que le jeu vidéo mobile rapporte énormément d'argent, ça, faut pas l'oublier. Même si au départ, c'était parti sur un concept de plutôt des jeux gratuits ou très peu chers, quand les jeux consoles aujourd'hui peuvent monter à 70-80 €. Voilà, l'idée, c'était vraiment de pas faire payer trop les gens au départ. En tout cas, qui s'en rendent pas compte. Oui. Voilà, c'est toute l'astuce. Cyronimo, comment avez-vous découvert Genshin Impact ? Est-ce que c'était dans sa transcription sur console ou sur téléphone ou tablette ? Alors moi, je joue sur console PS4, effectivement, PlayStation 4, parce que j'étais une grande fan de Zelda et que petit à petit, après j'ai découvert ce jeu free to play, je me suis mis dedans. Voilà, donc sur console, moi. Sur console, sur la version PS4. Voilà. Oui. Juliane ? Oui. Julien, je vais y tenir, hein, c'est normal. Logiquement, si je ne l'ai pas fait 8 fois dans l'émission, je meurs. Ok, je compterai. Donc, Julien, comment vous avez découvert Genshin Impact ? Moi, c'était un petit peu l'inverse. De par mon métier, je teste beaucoup de téléphones. Et Genshin Impact s'est révélé être un excellent jeu pour tester justement la puissance d'un téléphone et son processeur. Donc, c'est un jeu maintenant que j'installe quasiment à chaque fois que je teste un nouveau téléphone pour mon métier. Et vu que j'étais également en plein déménagement quand il est sorti, je n'avais pas ma console à proximité ou mon PC. Donc, c'était que sur mon petit téléphone à l'époque. Alors ça, c'est un élément assez intéressant, c'est que dans les jeux vidéo mobiles, il y a aussi ce paramètre à prendre en compte, c'est est-ce que ton téléphone sera suffisamment puissant pour faire tourner le jeu ? Parce c'est que ça. Ça consomme de la mémoire et... C'est ça. Alors quand on parle Genshin Impact et qu'on pense jeu mobile, effectivement, comme tu le disais un petit peu plus tôt, on pense à des jeux beaucoup plus petits et moins gourmands en ressources, alors que Genshin Impact est un jeu digne d'un AAA, donc avec un énorme budget, mais aussi qui est très gourmand en ressources. Donc pour ça, il faut quand même un téléphone qui dispose suffisamment de mémoire vive et d'un bon processeur pour pouvoir le faire tourner. Donc effectivement, il faut quand même investir un petit peu dans un téléphone de compétition pour pouvoir le faire tourner efficacement, quoi. Oui, donc déjà, pour la notion de jeu vidéo gratuit, il faut quand même que le matériel à la base soit c'est ça, correct. Mais après, c'est quand même aussi un peu un argument économique. C'est que, par exemple, la mère de famille qui ne veut pas acheter une console de jeu vidéo à ses enfants, elle peut juste leur prendre un téléphone. Ou le papa. Oui, voilà. Ou le papa, attention. Voilà. Sortons des clichés. Mais ils peuvent très bien acheter un téléphone pour leur enfant qui soit suffisamment puissant pour faire tourner quelques jeux. Ça évite justement d'acheter une console à la maison. Et en même temps, il peut jouer et l'appeler quand il a besoin, quoi. Et parlons justement de ce modèle économique de Genshin Impact, Olivier Bénis. Parce que vous en avez parlé tout à l'heure. On appelle ça un free-to-play. Des jeux apparemment gratuits, mais qui ne le sont pas totalement. Non. Et d'ailleurs, en général, quand on parle de free-to-play, il y a toujours son petit cousin maléfique, le pay-to-win, qui existe. Donc, free-to-play est gratuit à jouer, pay-to-win, payer pour pouvoir gagner. Et c'est un modèle économique qui, d'un point de vue purement capitalistique et du pur génie, c'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, voilà, mon jeu est sorti, il est superbe, il est génial, et en plus... vous n'avez pas à payer un centime pour y jouer. Et quand vous commencez à rentrer dans le jeu, c'est génial, c'est la liberté, tout va bien, on a plein de personnages, tout se développe, on a des quêtes à faire, effectivement le jeu est beau, on commence comme ça et puis on se lance. Puis après, au bout d'un moment, on se retrouve face à une petite barrière, on nous dit « tiens, ça pourrait aller plus vite au niveau de la progression dans le jeu si... » tu payais 2-3 € pour développer un personnage, pour améliorer une arme. Et puis après, on arrive sur, pour passer au niveau suivant, ce serait bien d'avoir quelque chose pour pas passer 5 heures de plus avant la prochaine quête, 5-6 euros de plus, c'est pas grand-chose, et des choses comme ça. Et le concept du free-to-play, généralement, c'est que bah, il faut bien que les développeurs mangent aussi, hein, on ne l'oublie pas, et donc il faut que le jeu rapporte de l'argent à un moment. Et donc quand c'est comme ça, il y a deux possibilités, en fait, bêtement, c'est que soit votre jeu contient des pubs qui vont payer, enfin, qui, via la régie publicitaire, vont payer le développement du jeu et ses mises à jour et ces choses comme ça, sauf que c'est un modèle qui, pas uniquement dans le jeu vidéo, d'ailleurs, montre assez vite ses limites, parce que le marché publicitaire étant ce qu'il est, c'est pas infini, on peut pas gagner des millions d'euros uniquement avec ça. Soit vous puis même, ça peut même carrément effrayer les joueurs, c'est-à-dire que quand t'as une pub qui tombe toutes les 3 minutes de jeu, tu décides d'arrêter. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux mobiles dont le modèle est basé sur le jeu est gratuit, vous avez des pubs, si vous payez 4 ou 5 euros, vous enlevez les pubs tout bêtement. C'est-à-dire qu'on mise sur le fait que ça va être gênant pour pouvoir pousser le joueur à dépenser un petit peu d'argent. Et le free-to-play, lui, va arriver sur quelque chose donc où on va devoir faire payer assez rapidement, en fait, des choses comme ça. Il y a rarement des paiements obligatoires. C'est-à-dire que c'est vraiment... On peut profiter généralement de la plupart des jeux free-to-play sans payer quoi que ce soit. Mais le modèle va miser sur le fait que... Alors, pas forcément que beaucoup de gens vont payer un petit peu, mais que quelques personnes, eux, vont se dire « Moi, je vais investir de l'argent dans ce jeu-là. » Soit en se disant « Après tout, c'est un jeu gratuit, alors qu'un jeu vidéo, normalement, sur ma console, m'aurait coûté 70-80 euros et que peut-être qu'en vertu du temps que j'ai passé dessus ou du temps que j'y consacre, ça mérite que j'y mette un petit peu d'argent, même un peu moins que ça. » Soit on va avoir carrément des gens qui, soit par amour total du jeu et parce qu'ils en ont les moyens, vont dépenser des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'euros sur un jeu. Soit des gens qui ont un problème, ça c'est un des milliers d'euros, peut-être des milliers d'euros. Ah oui, ça peut monter. Ça peut monter. Ouais. Je lisais pour préparer l'émission un article d'un journaliste du Washington Post qui parlait de son expérience sur la première année sur Genshin Impact, qui disait qu'il s'était lancé comme ça en disant je paierai rien, c'est un principe, je ne paierai rien, et qui au bout d'un moment s'est dit j'ai passé 90 heures dessus, il y a ce personnage qui me manque. Allez, on va sortir la carte bleue, et qui a dépensé 100, puis 180, puis 200, puis 250 euros, et qui a fini par se dire je suis pas tomber dans le piège parce qu'il y allait volontairement, mais il se dit finalement j'ai reconnu en fait que le jeu avait une valeur pécuniaire que j'investissais. Cyronimo, ce qui m'interpelle dans ce modèle économique et particulièrement dans l'histoire qui le lie à Genshin Impact, c'est qu'habituellement dans ces jeux apparemment free to play, on paye quand il y a une idée d'affrontement avec d'autres joueurs. C'est ce qu'on appelle ça le PVP, player versus player. Ouais. Mais Genshin Impact n'a pas cet aspect compétitif avec d'autres joueurs, vu que c'est vraiment un monde ouvert à la Zelda, où on se promène, etc. Il y a des multiples quêtes, des coffres à ouvrir, etc. Et pourtant, les bénéfices de Genshin Impact sont faramineux. Donc, d'où vient cette envie du joueur de dépenser des sous dans Genshin Impact alors qu'il n'y a aucune obligation? C'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de PVP ou d'enjeux comme ça, effectivement. Mais je pense que les gens, comme on vient de le dire, une fois qu'ils se sont investis dedans en temps, rien qu'en temps pour le jeu, après, ils sont un peu piégés dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils se disent « bon, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, donc il faut que ce jeu soit... Enfin, je vais continuer à y jouer tout le temps et je vais continuer à mettre de l'argent dedans ou du temps, parce que c'est un peu l'un ou l'autre, ou les deux. Et donc voilà, ça perdure comme ça. Et puis voilà, je pense que le jeu est suffisamment bien fait pour que ça donne envie aux gens d'avoir un skin en plus pour un personnage, d'avoir les nouveaux personnages, d'avoir les nouvelles armes. Il est vraiment addictif sur ce côté-là et il est très bien fait pour appâter le joueur, même si c'est pas forcément pour aller faire le beau en ligne avec les autres, juste pour soi, on a envie d'avoir un peu tout, quoi. Oui, parce que dans Fortnite, justement, il y a une possibilité de montrer ses costumes aux autres joueurs et d'être un petit peu dans une sorte de défilé de mode de son personnage. Mais dans Genshin Impact, Julien, il n'y a absolument pas ça. Non. Alors, je vais partir en croisade. Je suis un fervent défenseur du fait que Genshin Impact peut être entièrement joué et complété sans débourser un seul centime. Mais effectivement, lorsqu'on investit du temps, on s'attache effectivement à l'univers, aux personnages, et on peut être beaucoup plus enclin à lâcher 5 euros par-ci, 10 euros par-là. Et si on est vraiment extrêmement fan du jeu, on peut se dire qu'on peut aller beaucoup plus haut. C'est un peu comme quand on achète un gros jeu vidéo à 60 euros ou à 70 euros en magasin. On se dit que c'est quelque chose qu'on va rentabiliser avec du plaisir de jeu et avec justement du temps qu'on passe à monter ses personnages, à jouer avec, à découvrir l'univers. Donc en soi, effectivement, pense qu'il y a une petite notion de piège à laquelle il faut faire attention et que c'est quelque chose qui doit être un petit peu régulé, mais c'est pas quelque chose qui me choque entre guillemets puisque le jeu offre déjà énormément de choses à faire gratuitement. Et puis il y a énormément de récompenses aussi, c'est-à-dire que en fonction des événements qui ont lieu très régulièrement, et quand je dis très régulièrement, je parle des fois d'une semaine à l'autre, il se passe énormément de choses, on a des primogèmes, des cristaux qui nous sont donnés en cadeau, et qui, au bout d'un certain cumul, permettent d'accéder à ces fameuses bannières, ces portails d'invocation de différents personnages, et on peut sans jamais avoir investi quoi que ce soit, au final, avoir quand même peut-être un personnage inédit, mais pour lequel on n'aura pas investi. C'est ça. Le jeu offre quand même quelques récompenses gratuites, même si Genshin Impact n'est pas le jeu le plus enclin à offrir de la gratuité, mais on peut toujours réussir à avoir quelques personnages assez rares. Mais effectivement, il faut s'attendre, si on ne débourse pas un centime, à voir quelques personnages qu'on peut apprécier, notamment visuellement, nous passer sous le nez, quoi. Parce que, je ne sais pas si on l'a expliqué, Genshin Impact est un gacha, donc pour avoir un nouveau personnage, ça demande de la chance. Je crois que le taux de chance pour avoir un personnage 5 étoiles sur Genshin Impact doit être de 0,4% sur une bannière, ce qui est très peu. Oui, j'avais lu que il fallait faire 90 invocations pour espérer avoir, pour rentrer dans le système de pitié. Entre 75 et 90 invocations. Augmenter sa chance et pouvoir. Mais c'est vrai que c'est frustrant. En fait, le jeu joue beaucoup sur la frustration de je veux ce personnage, mais est-ce que j'ai assez de ressources pour l'avoir? Pas sûr. Voilà. Ça donne un petit peu de la dopamine en soi. Quand on fait une invocation, on se dit « Ah tiens, est-ce qu'il va tomber maintenant ?» Ah, je ne l'ai pas eu, mais peut-être que c'est une logique de casino. Oui, voilà, complètement. C'est une logique de casino. Et Olivier Béni, justement, parce que on parle d'un jeu vidéo inspiré d'un monde à la Zelda, avec des personnages kawaii, très mignons, très bien réalisés, avec des cinématiques de qualité, une musique splendide. Et a priori, on peut imaginer que le jeune public est cible de cet univers. Totalement, jeune public et plus. Et donc, ça vise large en tout cas. Ça vise large. Et donc cette notion justement d'économie casino, est-ce qu'en France elle est régulée? Alors elle n'est pas régulée pour l'instant. Elle commence à l'être un petit peu dans d'autres pays européens. Et en France, il y a un petit souci en fait, qui est que pour être considéré comme un jeu d'argent, comme un jeu de casino, des choses comme ça, donc être régulé et interdit aux mineurs, il y a trois critères, dont deux sont remplis par Genshin Impact, qui sont que faut investir de l'argent et qu'il y a un caractère aléatoire de la récompense. Et le dernier critère, c'est qu'il faut qu'il y ait un gain. Et le gain est considéré en droit français comme quelque chose de monétaire. Il faut uniquement que ce soit un gain en argent ou en cadeau matériel. Et pour l'instant, on considère que des choses que vous obtenez dans un jeu vidéo ne peuvent pas être considérées comme un gain. Donc, il manque ce troisième petit critère pour qu'on puisse vraiment réguler. Donc, c'est en cours. Je sais qu'il y a des députés qui travaillent dessus. Le Parlement européen aussi travaille beaucoup sur la question. Ce qu'on appelle les loot boxes, notamment dans d'autres jeux, qui sont un petit peu des systèmes où vous payez pour avoir un coffre au trésor dans lequel vous ne savez pas ce qu'il va y avoir. On parlait de gacha tout à l'heure, juste pour expliquer rapidement. Donc le gacha, c'est quand vous mettez de l'argent ou de la monnaie virtuelle du jeu ou des objets pour faire un tirage au sort, en fait, qui va vous donner généralement une dizaine d'objets aléatoires qui peuvent contenir aussi bien un personnage exceptionnellement puissant et une arme que vous cherchez depuis longtemps que 10 trucs totalement aléatoires que vous allez foutre à la poubelle après. Le terme gacha vient de ces distributeurs dans lequel il y avait, les gachapons dans lequel vous aviez des. Je pense que si jamais vous repensez aux fêtes foraines de votre enfance, vous allez tout de suite comprendre l'image. C'est ces distributeurs dans lesquels il y a plein de petits jouets. On met une pièce et on espère qu'il y ait le jouet qu'on a vu et qui tombe. Des petites boules. Et des fois, c'est pas celui qu'on voulait. Et en fait, dans le jeu, Genshin Impact, c'est aussi souvent ça. C'est-à-dire qu'on veut le personnage très stylé. Parce que c'est un type de jeu qui, justement, surfe terriblement sur les jeux mobiles. Il y a énormément de gacha. Et souvent, c'est un peu péjoratif quand on parle d'un gacha, c'est-à-dire que très souvent quand on voit arriver un jeu ou quand on a un jeu qui nous est recommandé sur les boutiques en ligne comme l'App Store ou le Google Play Store, quand on voit que c'est un gacha, on fait « Ah non, un gacha encore, voilà, je vais devoir investir de l'argent ou ça va être des trucs aléatoires ». Souvent c'est un peu un repoussoir et Genshin Impact fait ça de très intelligent que le côté gacha est très très très bien caché. C'est-à-dire que quand vous commencez le jeu, c'est vraiment, il y a tellement de menus, de choses, de machins et tout, que pour arriver à trouver justement les bannières sur lesquelles on peut faire des invocations dans le sous-menu dédié, faut commencer à chercher un peu et donc faut commencer à s'être investi suffisamment sur le jeu pour se dire allez, ça a un intérêt de le faire. Vous n'êtes pas repoussé dès le début, enfin le jeu ne vous dit pas dès le départ attention, à un moment il va y avoir un petit côté roulette et il va falloir d'ailleurs il y a un niveau d'aventurier qui est à atteindre avant d'avoir accès à la seconde vie du jeu. Si on vous donne du crack gratuit et puis après on vous dit attention, ce sera payant un peu plus tard. C'est vrai qu'ils offrent des personnages au début gratuitement, donc on se dit bon bah voilà, on a le petit tuto du début, on a les personnages gratuits, l'histoire se met en place et c'est petit à petit qu'on se dit ah, mais en fait il y a tout ça derrière, il y a toutes les ressources à accumuler, il y a le système de gacha et tout qu'on découvre un peu après effectivement. Avec aussi le système de récompense quotidienne, c'est-à-dire que chaque jour, il faut faire 4 missions qui permettent d'avoir un petit peu de matériel et ça fait monter son niveau d'aventurier. Et il y a aussi des boss qui permettent d'avoir aussi certaines récompenses pour faire progresser ses personnages. Et ces boss-là, au bout d'un moment, on a besoin d'avoir de ce qu'on appelle de la résine pour les combattre. Et finalement, le diable se niche dans les détails. C'est dans ces moments où on est quelques pièces, quelques artefacts de pouvoir complètement monter son personnage, qu'on est à court de résine. Et c'est là où la frustration joue à fond. On se dit, alors, qu'est-ce que je fais ? J'achète un petit peu de résine avec mes primogèmes ou avec de l'argent réel, ou j'attends demain. Alors évidemment, là, les moines Shaolin de la patience... eux arrivent à faire ça. Julien, vous êtes un moine Shaolin ? Totalement. Je n'ai jamais dépensé d'argent pour compléter ma résine, pouvoir jouer un petit peu plus. Car si la résine est effectivement très frustrante, parce qu'on peut faire qu'un certain nombre d'actions par jour, d'un autre côté, ça nous permet aussi justement de limiter notre temps de jeu. Parce que, on le rappelle, si Genshin Impact a certes des allures d'un très grand jeu AAA, c'est avant tout un gacha. Et la majorité des jeux gacha, notamment mobiles, ne sont pas pensés pour des très longues sessions d'heures de jeu. Donc il faut plutôt voir justement Genshin Impact comme un jeu sur lequel on va venir chaque jour jouer environ une heure, peut-être deux heures, trois heures si on a quelques quêtes à accomplir. Ce qui est déjà conséquent. Oui. Et sur lequel on peut revenir en fait chaque jour. Et justement, le jeu est pensé pour ça, pour des petites sessions. Mais si vous aimez vraiment l'univers, vous pouvez vous balader et faire davantage de choses. Mais à la base, vous pouvez très bien revenir tous les jours un petit peu plus, ce qui également vous incite à revenir sur le jeu, puisqu'il y a des quêtes quotidiennes qui vous obligent un petit peu à vous connecter chaque jour, justement pour avoir quelques primogèmes, pour faire des invocations. Et il faut justement alimenter le joueur, lui donner envie de revenir tous les jours pour pouvoir relancer le jeu. Et c'est justement ces primogèmes et les invocations qui donnent envie au joueur de relancer le jeu tous les jours et de relancer un petit peu la machine, quoi. Olivier Bénis, à sa sortie, le jeu a été comparé à Zelda Breath of the Wild parce qu'il y avait cette idée de monde ouvert, de cel shading, etc. Qu'en est-il 3 ans après la création du jeu, parce que Genshin Impact est apparu en 2020? C'est toujours un peu le cas, dans le sens où il y a plein de choses, il y a énormément d'éléments visuels et de gameplay, surtout qui sont inspirés de Zelda Breath of the Wild. Donc Breath of the Wild, pour rappel, c'est le dernier épisode de Zelda en date sorti sur Switch en 2017, si je ne dis pas de bêtises, dont la suite arrive cette année, justement. Et c'est vrai que quand Genshin Impact est sorti, déjà ça sautait aux yeux quand on a vu les premières images, qu'il y avait une énorme inspiration. Quand on voyait le jeu bouger, il y avait vraiment des éléments de jouabilité qui étaient totalement inspiré. Il y a le fait qu'on puisse utiliser une sorte de petit parapente pour sauter d'en haut d'une falaise, ce genre de choses. Le fait qu'il y ait un côté exploration très très libre où on peut escalader à peu près tout ce qui est dans le jeu. Donc voilà, il y avait ce truc-là qui a beaucoup énervé. Avec cette maudite jauge d'endurance. Oui, mais qui finalement... Ça m'énervait déjà dans Zelda, ça m'énerve aussi dans Genshin Impact. Hein. Mais c'est partie de ces éléments où c'est une contrainte pour améliorer le plaisir de jouer au final, Frédéric. C'est conçu comme ça. Oui, marcher sur des tessons de bouteilles, il paraît que ça élève l'esprit aussi. Oui, voilà, parce qu'après, quand vous buvez un coca, vous êtes beaucoup plus content que sur les tessons de bouteilles. Voilà. Et donc, ça a été très critiqué par les fans de Zelda et Nintendo. Il y a même eu des espèces de mini-émeutes devant le stand de Sony qui présentait les premières images de Genshin Impact. Les gens estimant que c'était un plagiat de Breath of the Wild. Il y a même un type qui est arrivé avec sa PlayStation 4 et qui allait la détruire devant le stand de Sony à l'époque, c'était à l'E3, je crois, il me semble. Ouais. Enfin voilà, c'était allé très très loin. Les gens sont tendus quand même. Hein. Très légèrement. Ouais. Pourtant, normalement, quand on est fan de Breath of the Wild, on est plutôt adepte d'une certaine sérénité, d'une certaine zénitude. Et en fait, non, pas du tout. Dès qu'on sort du jeu, les gens sont très énervés. voilà. Et puis en fait, au final, quelques années plus tard, ou en tout cas quand on est suffisamment rentré dans le jeu, c'est pas tant Breath of the Wild que ça. Moi, je sais que ça me fait très souvent penser à la série des Tales of, plutôt en termes de gameplay pour les connaisseurs. C'est une série de RPG d'action assez connue de Namco, si je ne dis pas de bêtises non plus, qui est une excellente série de jeux d'ailleurs, qui a justement tout ce côté très inspiré des animés, ce qui n'a pas forcément Zelda justement, qui a un univers un peu plus à part visuellement. Mais voilà, le côté gameplay très facile à prendre en main avec des petites subtilités, des combats en temps réel, des choses vraiment très plaisir immédiat en fait dans la manière de jouer. Donc voilà, mais c'est un jeu qui puise des inspirations un petit peu partout et qui le cache pas. D'ailleurs, les créateurs, quand ils l'ont créé, ont dit on est fan de Breath of the Wild et de Zelda en général, donc ça se voit, ça se ressent très clairement. Et dans un sens, tant mieux, c'est pas les seuls à l'avoir fait, c'est pas ceux qui ont gagné le d'argent. Il faut dire que Zelda Breath of the Wild a aussi eu un gros impact sur le jeu vidéo d'aventure. En général, bien sûr. Oui. Cyronimo, je sais que vous êtes une grande fan de Zelda, et donc cette proximité, qu'est-ce que ça vous a évoqué ? Alors, c'est vrai que moi je suis fan de la saga Zelda depuis toujours, donc voilà, et effectivement Breath of the Wild ça a été une révélation quand j'ai joué, je me suis dit waouh, c'est super, on peut aller partout, on peut faire ce qu'on veut, cette liberté elle est exceptionnelle. J'avoue, après j'ai joué à Immortal Phoenix Rising, le jeu d'Ubisoft, qui était aussi un petit peu, on va dire, pas inspiré. Non, oui, il a été un petit peu oublié, hein. Mais voilà, donc j'avais joué à celui-ci, j'avais pas retrouvé la même sensation que dans ce Zelda, j'étais un peu mitigée, un peu malheureuse de ce jeu. Il y avait un peu des blagues, un peu lourdes. Bon, c'était pas... Oui, puis pas c'était un jeu qui se situait juste un peu après Assassin's Creed Odyssey et qui a été mal placé. Oui, il est sorti en 2020, là, et c'était bon. J'étais pas emballée. Je jouais un petit peu, mais j'étais pas emballée. Et ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer Genshin Impact ? Tout le monde en parle. C'est vrai que j'avais vu les vidéos comparatives, je m'étais dit, ça ressemble vraiment beaucoup à Breath of the Wild. C'est très inspiré, comment on va dire. Et ça a été très critiqué pour ça, parce que je sais pas pourquoi, le fait que le jeu soit chinois, ça a été assez mal vu de côté copie, alors que bon, les autres, on en parlait un peu moins. Il faut dire que, juste avant Genshin Impact, un autre jeu était sorti du même studio, Honkai Impact, qui lui-même avait eu des accusations aussi vérifiées de plagiat de Bayonetta. Ouais. Parce que le système pour esquiver les coups, c'était vraiment un beat'em up. C'était le système de Bayonetta qui avait été plus ou moins la matrice de Honkai Impact. Donc je pense que c'est aussi pour ça que quand ils auront fait la même chose avec Genshin Impact, mais sur un autre type de jeu... Parce qu'ils disent qu'ils s'en inspirent, mais c'est quand même largement inspiré. Vous êtes un peu des coucous quand même. Et donc voilà, donc je trouve que maintenant, par contre, au bout de 2 ans et demi que Genshin Impact est déjà sorti et tout, il s'éloigne de plus en plus de Breath of the Wild parce qu'il y a du gameplay différent maintenant qui a été intégré au jeu. Il y a plein de choses qui diffèrent. Voilà, donc au début, c'était vraiment comparé. Maintenant, je pense un peu moins. Bon, forcément, ça ressemble. Mais au niveau du gameplay et des petites choses à faire, il y a beaucoup de différences maintenant. Ce qui était assez rigolo aussi à la sortie, pour l'anecdote, c'est que Genshin Impact, c'était le jeu auquel les gens n'avouaient pas qu'ils jouaient. Et je me souviens que sur les premiers mois, quand le jeu était sorti, presque tous les journalistes de jeux vidéo qui se parlaient sur Twitter disaient « Tu joues à quoi, toi, en ce moment ?» Je dis « Ouais, moi, je suis sur Breath of the Wild, je suis sur Assassin's Creed Odyssey. » Et quand on creusait un peu, c'était « On est tous sur Genshin Impact. » On était tous en train de jouer sur le téléphone à côté. Mais il y avait... Soit le côté, on n'osait pas trop le dire parce qu'il y avait justement ce côté, c'est un gacha, c'est un jeu sur mobile, etc. Soit il y avait juste le côté, on le considérait pas, en fait, à ce moment-là, vraiment comme un vrai grand jeu qui marquerait, entre guillemets, l'histoire du jeu vidéo, ce qui est un peu le cas désormais, ne serait-ce que financièrement. Et on était tous en train de se dire, bon, c'est un petit truc auquel on joue à côté d'autres jeux. Et avant de se rendre compte que finalement, c'était peut-être le jeu sur lequel on avait passé le plus de temps. Et c'est d'ailleurs encore un peu le cas. C'est-à-dire que quand on voit les événements autour de Genshin Impact et l'attrait, qu'il y a eu une expo qui a eu lieu à Paris, qui a drainé un monde de fous, des événements sur les jeux, les communautés, les cosplayers, les vidéastes qui passent énormément de temps à faire des guides, etc. Il y a un monde fou qui tourne au niveau mondial autour de Genshin Impact, et tant et si bien que dans la réalisation même du jeu, et c'est bien pour ça que ce jeu méritait un blockbuster, c'est il y a une visée internationale qui a été pensée dès le début, notamment dans la localisation, c'est-à-dire qu'il y a des doublages en japonais, en chinois, en coréen, en anglais, et on parle d'un jeu qui est mis à jour quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Une semaine et demie environ pour les petites mises à jour et toutes les six semaines pour les mises à jour majeures. Ce qui est, et ça demande un nombre de travailleurs mais absolument phénoménal quand on connaît l'économie d'un studio de jeux vidéo. Et on va justement écouter le personnage de Barbara. La petite nonne de Mondstadt, qui une sorte de mélange entre Georgie et une pop idol, ouais, Candy, etc. On écoute Barbara. Ah, the holy liar! Oh, Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Son nom. Barbara は一生かけて謝罪をしても足りないわよ。ああ、天空之子。 巴巴托斯大人，芭芭拉就算用一生的时光向你赎罪，也都是不够的吧？ 啊，천국이아프가！ 바르바토스님，남은생을속죄의뜻으로당신에게모두바쳐，더부족하겠죠。 그천공의하프이리줘봐 On a donc entendu le personnage Barbara en anglais, en japonais, en coréen, en chinois. Voilà, travail donc de titan qui est fait quotidiennement sur ce jeu. Mais justement, j'aimerais qu'on parle de l'histoire de Genshin Impact, parce que pour l'instant, on parle de ça comme d'un jeu, mais il y a une histoire qui est hyper dense et qui est particulièrement développée, Julien. C'est ça. Beaucoup de gens jouent à Genshin Impact juste pour le gameplay ou pour l'univers qui est plutôt joli, mais beaucoup oublient que Genshin Impact a une histoire qui est justement très dense et un lore qui se densifie à chaque mise à jour. À la base, alors l'or, je précise pour les auditeurs qui n'auraient pas l'habitude de ce vocabulaire, c'est toute la mythologie qu'il y a autour du jeu, toute c'est son ça, histoire, c'est tout ce qu'on peut découvrir l'univers. Autour de l'univers. Et à la base, Genshin Impact, c'est juste l'histoire d'un frère et d'une sœur dont on choisit justement le personnage qui se retrouve lumine séparé. Et éther. C'est ça, qui se retrouve séparé l'un de l'autre. Et justement, celui qu'on va incarner va partir à la recherche de son frère ou de sa sœur en parcourant le monde de Teyvat et en étant à la recherche de mystérieux personnages qu'on appelle les Archons. Et à son réveil, le personnage que l'on incarne fait la connaissance d'une sorte de petite fée particulièrement horripilante. Le mot est juste. Voilà. Paimon, voilà, avec des petits cheveux blancs, qui parle, parce que c'est un jeu très bavard. C'est ça, mais après, justement, le personnage principal, à l'inverse, ne parle quasiment pas, en fait. C'est Paimon qui fait un peu synonyme de dialogue, en fait, avec les autres personnages du jeu. Là où notre personnage, c'est vraiment un exploit quand on l'entend parler, c'est limite un événement, on en entend parler partout sur les réseaux et les forums quand il parle. Paimon, à l'inverse, c'est justement celle qui n'arrête pas de parler, ce qui peut être très agaçant, je pense, au quotidien pour certains joueurs, même si au bout du compte, on s'y habitue quand même pas mal, quoi. Si Navi vous agace dans Ocarina of Time, ne jouez pas à Genshin Impact. C'est un très bon parallèle. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais Paimon est une version sous Red Bull. Ah oui, complètement. Oui, elle se drogue, je ne sais pas ce qu'elle prend, mais c'est très très fort. Et justement, la découverte de ce monde de Teyvat, on commence dans la région de Mondstadt. Et pour chaque divinité, chaque continent, il y a un archon qui a un élément qui lui est assigné, parce qu'il y a aussi cette dynamique d'éléments à maîtriser. Le personnage qu'on incarne étant capable de maîtriser tous les événements dès l'instant où il intègre un nouveau continent. Donc on commence par le continent de Mondstadt et c'est le vent. Voilà, avec Venti. Je vais ne pas faire de spoil. Oh, si, tout le monde sait que c'est l'archon. C'est l'archon Anemo. Et il y a toute une galerie de personnages extrêmement singuliers, au design particulièrement bien fait. Et c'est vrai que quand on arrive dans ce jeu, c'est ce qui frappe, c'est qu'en fait, quel que soit l'endroit, on pourrait carrément avoir des animés solo sur chacun des personnages tellement ils sont bien faits. Mais c'est tout le génie en fait du jeu et peut-être même de son modèle économique, c'est-à-dire que c'est un des premiers gacha, si ce n'est le seul actuellement, qui pour vous pousser à essayer d'avoir certains personnages vous donne envie de connaître leur histoire. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de puissance, de plus avancer dans le jeu, d'avoir un personnage qui est plus beau, qui a des plus beaux vêtements, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur ce personnage et de l'avoir dans votre équipe parce que son histoire vous a touché ou vous a intéressé ou que vous avez envie d'aller plus loin. C'est ça qui est fort, c'est que vraiment ils ont mis les moyens, pas uniquement sur le côté clinquant et le côté visuel et choses comme ça, même si c'est déjà énorme pour ce genre de jeu, mais ils ont mis vraiment l'accent sur la narration et sur l'écriture, ce qui arrive pas toujours, enfin ce qui arrive même quasiment jamais dans un gacha, en tout cas pas avant Genshin Impact. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui travaillent sur les scénarios de Genshin Impact? Parce que c'est phénoménal, parce qu'il y a la quête principale, il y a les quêtes d'Archon, il y a évidemment les multiples missions qui peuvent être générées par les personnages, les personnages non jouables qu'on peut rencontrer, qui vont nous envoyer faire une quête à droite à gauche, mais il y a aussi les personnages plus racés qu'on rencontre, avec lesquels on peut développer des relations et qui ont même droit à des scénarios spécifiques si on débloque certaines clés qui se rechargent tous les jours. Donc en fait, c'est incroyable. Moi, de mémoire de joueur, je n'ai jamais vu un jeu vidéo qui intègre autant la dimension de poupée gigogne. C'est-à-dire que il y a toujours un peu plus. Je vous mets tout. Mais la durée de vie du jeu, alors pas en tant que joueur, mais en tant qu'existence du jeu, joue en sa faveur aussi pour ça. C'est-à-dire que plus ça va, et plus il rajoute des choses, il rajoute des personnages, il rajoute des zones. Et donc à chaque fois, il réfléchit à comment faire pour trouver quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il doit y avoir aussi une espèce d'envie de toujours trouver quelque chose d'original ou de plus profond que le truc précédent. Et que du coup, ça pousse à aller de là à vous dire combien de personnes travaillent réellement là-dessus sur l'écriture, c'est très difficile à savoir parce que le studio est assez opaque sur son fonctionnement, très clairement, sur ses revenus, sur son fonctionnement, sur ses salariés, enfin surtout. Le burn-out qui ça doit générer aussi. C'est ça, c'est que peut-être qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes à l'écriture qui se sont succédées et qui ne vont plus très bien aujourd'hui. Donc voilà. Cyronimo, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Quel est votre personnage favori jusqu'à maintenant? Alors moi, j'aime beaucoup Xiao. Bon, c'est juste qu'il est, la classe. C'est basique, hein, mais j'aime bien jouer avec. Voilà, c'est un personnage masculin, un petit peu ténébreux, un peu Dark Sasuke vite fait du jeu. Voilà. Faut dire que pour le coup, les personnages masculins ne sont pas pléthoriques dans Genshin Impact. C'est surtout des jeunes filles quand même majoritairement. Oui, souvent c'est ça. Oui. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dedans. Donc moi, j'attends particulièrement à chaque fois les personnages masculins pour pouvoir les rajouter dans mon équipe. Parce que oui, on l'a pas vraiment dit, mais on joue quatre personnages. En fait, au début, on incarne le voyageur ou la voyageuse. Et petit à petit, des personnages rejoignent notre équipe et on peut jouer jusqu'à quatre personnages qui ont chacun un élément, comme on disait, sur les qui dépend de leur région ou de leurs caractéristiques. Et voilà, ça forme une équipe pour les combats, principalement. Julien ? Votre personnage préféré? Alors ça tombe bien, tu en parlais il y a quelques minutes. Pour moi c'est Venti, notamment l'archon Anemo, qui est un personnage un petit peu androgyne, qui a posé notamment quelques soucis en Chine à cause de ça. Oui, parce qu'il faut vraiment le rappeler, MiYoYo est un studio chinois et il ne faut absolument pas imaginer une seule seconde que le Parti communiste ne surveille pas ce qui se passe avec Genshin Impact au niveau mondial. C'est ça. Et là, s'il y a des lois du gouvernement chinois qui impactent Genshin Impact, même à l'international, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui vont se retrouver un petit peu censurés avec des nouvelles tenues. Et il y a également des personnages qui ne doivent absolument pas transparaître quelques éléments physiques. C'est-à-dire que les personnages masculins doivent vraiment être masculins et les personnages féminins, très féminins. Et alors, justement, c'est intéressant parce que quand le Parti communiste chinois est tombé sur Genshin Impact en réclamant que certains personnages féminins aient une tenue plus couverte et que les personnages masculins soient moins androgynes, parce que ça pourrait, parlons clairement, faire la promotion de l'homosexualité ou ce genre de choses, et c'est vraiment des choses sur lesquelles le Parti communiste était opposé. Mais quand on joue à Genshin Impact, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de jeu de dupes permanent entre les créateurs et le gouvernement, c'est que au moment où on leur dit bah il faut introduire des personnages masculins plus viril, etc. Ouais. Ils introduisent Alifam dans la région de Sumeru, qui est donc la région qui est en colocation avec un autre garçon et dans lequel ils ont des disputes. Et j'ai vraiment tout est ambigu comme ça dans le jeu. Moi, c'est ce qui m'a surpris, parce que justement, en connaissant la position de la Chine sur ça, je me suis dit bon, le jeu va être très manichéen, on va dire, pas du tout. Et en fait, effectivement, les relations entre les personnages sont très ambigu, que ce soit homme-homme, femme-femme, bon, ou le reste. Et c'est, il y a plein de ship, on va dire, sur les personnages autour du jeu. Et le jeu joue avec ça, parce que dans les dialogues, il y a tout le temps des petites ambiguïtés. On est là, mais ils sont amis ou c'est quand même. Et notamment Beidou qui se tourne très souvent autour avec des dialogues. Ce sont des petits regards, voilà. Des petits dialogues un petit peu suggestifs. On se dit, mais quand même. Enfin, moi, ça me surprend. Je suis très contente, hein, parce que j'aime bien ça. Mais c'est surprenant venant de la part d'un. Et jusqu'au dernier grand arc scénaristique qui a été développé dans Genshin, à Sumeru, où il y a carrément une dénonciation qui est faite de du monopole de l'information via Internet. Voilà, dans l'univers de Sumeru, tous les habitants de Sumeru ont une sorte de petite prothèse qui leur permet d'avoir accès à des connaissances. On va appeler ça Google. Et en fait, les sages ont la maîtrise totale de cet outil pour contrôler les informations et créer une forme de dictature de la pensée. Or, quand on sait que en Chine, il n'y a pas plus contrôlé que l'internet, que même le PDG d'Alibaba a pu disparaître pendant quelques mois parce qu'il avait eu le malheur d'avoir un discours qui était considéré comme dissident, c'est difficile de pas y voir quelquefois une sorte de résistance interne ou même d'autocritique, ou c'est du cynisme. On sent quand même qu'ils font un petit peu un pied de nez. On en parlait justement un petit peu avant avec les relations entre les personnages qui ne passeraient certainement pas normalement si le gouvernement chinois mettait vraiment son nez dans le jeu. Personnellement, je pense que c'est quand même un petit peu fait exprès. C'est vraiment. Pour autant, ce n'est pas vraiment forcé. On sent pas vraiment qu'il y a une sorte de cahier des charges ou vraiment une volonté vraiment de s'émanciper justement de ces règles. Mais au contraire, ça s'intègre très bien à l'univers et c'est quelque chose justement qui est assez rafraîchissant et qui permet à justement des gens de plein de genres différents, plein de personnalités différentes, plein de couleurs différentes, de s'identifier à n'importe quel personnage, à justement se le réapproprier, peut-être le redessiner selon ses codes. Et chacun peut justement se plonger dans cet univers et un peu se le réapproprier pour lui, quoi. Olivier Bénis, je ne vous ai pas demandé, mais avez-vous un personnage de prédilection ? Moi, je joue un peu trop en dilettante pour avoir un personnage préféré, mais j'aime bien Paimon, en fait. Au fond. Ouais, je sais, c'est ça. Rare. J'étais sûr que ça allait choquer. J'ai jamais entendu ça, c'est la première fois. Vous êtes un déviant. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon côté un peu cynique. Non, je sais pas, je la trouve marrante. Ouais, voilà. Après, elle est marrante, c'est vrai. C'est ça. Je trouve qu'elle a un petit côté, elle apporte le petit côté de décalage qui fait qu'on n'est pas trop dans un univers trop sombre. Pour revenir à ce qu'on disait sur la censure chinoise, je pense aussi que Genshin Impact et MiYoYo, tente un petit peu des choses, ils testent un peu les limites, et notamment parce qu'ils peuvent se le permettre. Parce que Genshin Impact, au-delà du fait que ça rapporte des milliards de dollars à l'entreprise, et donc indirectement... Oui, par exemple, on peut dire que la dernière bannière très populaire qui est sortie et qui donnait accès à Utao, un personnage, et Yulan aussi, le retour de Yulan, un autre personnage très plébiscité par les joueurs, a fait 46 millions de dollars de bénéfices sur le mois d'accessibilité de sa bannière. Et que même ça, c'est une goutte d'eau par rapport aux revenus de Genshin Impact globalement, qui ont allègrement dépassé les 4 milliards de dollars l'année dernière, ce qui en fait, je crois, le record absolu de rentabilité pour un jeu vidéo, tout support et toutes époques confondues. Et il y a aussi le fait que je pense qu'il faut, enfin, c'est très bien que Genshin Impact se permette ça et ça fait plaisir à voir. Il ne faut pas non plus oublier que voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et que le marché du jeu vidéo en Chine, c'est pas vraiment un paradis pour les développeurs, puisque tout jeu en fait pour accéder au marché chinois doit avoir un accord officiel en fait pour pouvoir être vendu, et qu'il y a eu toute une période de plusieurs mois voire plusieurs années, il me semble, où aucun jeu chinois ne recevait cet agrément, à part justement Genshin Impact. impact. Mais voilà, ça a été très compliqué. Ça a été compliqué pour des jeux taïwanais aussi, pour des jeux de Hong Kong. Donc voilà, il ne faut pas non plus avoir une vision un peu trop naïve du truc en se disant « Ah, c'est bien, ça prouve que les développeurs chinois peuvent faire ça. » Non, non, Genshin Impact, ils peuvent parce que c'est Genshin Impact et que c'est un élément important de soft power pour la Chine. Mais énormément d'autres studios ne peuvent absolument pas le faire et se sont même pris d'énormes problèmes pour parfois des toutes petites choses. Je me souviens d'un jeu taïwanais, par exemple, qui a été totalement censuré et retiré de toutes les boutiques, y compris à l'international, parce qu'il y avait un message caché qui était resté d'un développeur au fin fond d'une pièce qui se moquait de Xi Jinping, et voilà, c'est pas passé. Et ce studio MiHoYo, comment s'est-il construit ? Alors, c'est trois étudiants, comme le veut la légende, trois étudiants chinois qui se sont réunis en 2012 pour le fonder, parce qu'ils ont envie de faire des jeux vidéo. Il y en a un, je crois, qui est parti assez rapidement parce qu'il avait une opportunité d'emploi plus intéressante. Et puis, ils ont continué à bosser, ça s'est développé. Je crois qu'au départ, ils étaient quelques dizaines. Ils sont passés vite à 400, 700. On ne sait pas trop à combien ils sont aujourd'hui. Mais voilà, c'est devenu une très, très grande chambre de CTU, quoi. Et c'est un studio qui a fait, qui en est à 6 ou 7 jeux, il me semble, publiés aujourd'hui. Genshin Impact, c'est leur 5e, et c'est leur plus gros succès, incontestablement. C'est le premier énorme succès international, juste après Honkai Impact, qui avait déjà fait un peu forte impression, mais vraiment, Genshin Impact, ça les a fait passer dans une autre dimension. Et encore une fois, c'est ça qui fait que... Avec à chaque fois un style assumé, très animé. Très animé, très manga, avec une énorme inspiration de ces côtés-là. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnages dont le design rappelle des personnages d'autres animés, de mangas japonais, de choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui les passionnait. Ils étaient passionnés de jeux vidéo, ils étaient passionnés d'animation, ils ont un peu mélangé les deux et ils en ont fait un marché. Jinri再会,新朋旧友坐满堂,共聚此时. La chanteuse d'opéra Yoon Jin, personnage que l'on peut obtenir dans Genshin Impact et qui vient de la région de Liyue, la deuxième région que l'on est amené à découvrir dans le jeu. Sironimo, il y a justement ces différents univers à chaque fois qu'on découvre une région. Oui. La Chine est à l'honneur et évoquée via la région de Liyue. Et après, on a Inazuma, où là, c'est plutôt le Japon féodal avec les samouraïs et la fameuse Shogun Raiden. C'est aussi extrêmement développé, c'est aussi une sorte d'office du tourisme via le jeu vidéo Genshin c'est Impact. Bah, c'est aussi le côté qui m'a plu, c'est justement ces régions qui sont très définies. Bon, elles sont un peu clichés, mais comme ils se moquent aussi de même, parce qu'il y a aussi la Chine, enfin ils se moquent, c'est pas ils se moquent, mais c'est représenté de manière un peu cliché, parce que la première région, donc c'est Mondstadt, c'est un petit peu l'Allemagne, l'Europe, c'est la liberté, c'est les gens qui boivent du vin à chaque coin de rue. Voilà. Ensuite, on a donc Liyue, qui est la Chine, qui est très régie par les contrats, l'argent, les choses, les papiers. Les rites funéraires aussi, avec Utao qui gère ses pompes funèbres. C'est ça, il y a tout le folklore un peu chinois qui est là. Comme on vient de l'entendre, il y a un peu d'opéra de Pékin. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, il y a Inazuma, donc, qui est le Japon, et qui là aussi, donc c'est des îles qui sont fermées, et c'est vraiment ce qui est arrivé au Japon, puisqu'il y a eu le Sakoku, qui était la période où le Japon était fermé sur lui-même, où le commerce était plus ou moins régulé, où les gens ne pouvaient pas entrer et sortir comme ils voulaient du pays. Et là, ça se retrouve aussi dans et d'ailleurs, on peut même sentir que dans l'histoire de la Chine et du Japon, l'archon le plus agressif avec le joueur qu'on incarne, ça a été le Shogun Raiden d'Inazuma. Oui, c'est vrai. Et voilà, et ce est là, maintenant il y a Sumeru, forcément, où il y a la jungle autant que le désert. Enfin, vraiment, ces environnements et ces régions sont très avec bien. Avec le meilleur personnage, parce que on m'a donné mon personnage. Oui, c'est vrai, enfin. Naïda. Ah. Moi, j'adore Naïda. J'avoue, elle est sympathique. C'est l'archon d'Endro, toute mignonne sur sa petite balançoire. Enfin, voilà, c'est un jeu où ça permet vraiment de voyager selon les régions, les endroits où on va. On vit des choses totalement différentes avec des personnages différents, des noms différents. Enfin, c'est vraiment très inspiré et très, très intéressant. Julien, il y a cette dimension aussi de soft power chinois disséminé dans Genshin Impact. C'est-à-dire que quand on arrive à Liyue et quand on suit les quêtes principales de Genshin Impact, on se rend compte que effectivement ils avaient à cœur de montrer de manière cliché. Mais on sait aussi que le Parti communiste chinois est du genre à créer une légende autour de la construction de la muraille de Chine. Par exemple, il ne faut pas dire qu'il y a eu des victimes humaines qui ont participé à la construction. Non, l'histoire de Chine. Et il y a aussi cet aspect-là dans Genshin Impact sur la présentation des singularités culinaires, parce qu'on cuisine beaucoup, mais aussi architecturales chinoises. Totalement. On parlait juste avant justement des similitudes entre Zelda et Genshin Impact. On a notamment oublié l'aspect cuisine, avec énormément de plats, d'ingrédients qui reprennent justement un petit peu les codes de Breath of the Wild pour justement créer un petit peu de la cuisine. Et justement, ces plats font évidemment écho à de vrais plats qui existent dans la vie de tous les jours et qui permettent également aussi de mettre un petit peu plus en avant le folklore justement des différentes régions, inspirées de la Chine, du Japon, bientôt de la France, normalement cette année. Mais effectivement, avec Fontaine. C'est ça, avec la prochaine région qui normalement devrait sortir cet été. Mais effectivement, on ressent quand même le soft power chinois un petit peu qui plane au-dessus du jeu en permanence. On a notamment eu déjà des polémiques très souvent autour du jeu, mais surtout du côté chinois. C'est-à-dire qu'on reproche très souvent pour les joueurs que MiYoYo écoute beaucoup plus ses joueurs chinois que les joueurs internationaux. C'est notamment ressenti quand le personnage de Zhongli, qui est l'archon justement de Liyue, la région de la Chine, est sorti. Il y avait eu énormément de protestations côté chinois sur justement le fait que le personnage n'était pas assez attractif, n'était pas assez puissant. Et MiYoYo a justement fait une mise à jour très rapidement pour le corriger. Chose qui n'arriverait jamais si les joueurs internationaux se plaignaient justement d'autres personnages. Ce qui est déjà arrivé notamment par le passé et assez récemment avec le dernier personnage de Deya, qui n'a eu absolument aucune modification parce que les joueurs chinois n'y trouvaient pas grand-chose à redire justement. Oui, parce qu'il y a aussi cette dimension, c'est que comme le studio propose en permanence de nouveaux personnages, et qu'il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de ces jeux, c'est-à-dire des vidéos, des guides du nouveau personnage, avec certains vidéastes influenceurs qui ont accès aux bêta, aux versions test de ces personnages-là. Et donc, il y a une remontée vers le studio MiHoYo en permanence, et quelquefois, il y a des tirs qui sont rectifiés vis-à-vis de la sortie de certains personnages. Et le dernier en date, Deya, qui est donc une guerrière mercenaire dans le désert, dans le royaume de Sumeru, qui a un design absolument magnifique, elle n'a pas été, alors que les testeurs ont très vite dit que son kit de jeu, ses capacités étaient trop faibles, eh bien MiHoYo a dit bah, c'est pas grave, on va la laisser comme ça. Et au final, ce qui était pressenti est arrivé, c'est que bah forcément la bannière a eu moins de succès que les autres. Et donc on est bien d'accord que les vidéastes chinois ont plus d'impact que les Européens sur ces personnages. Totalement. Lorsqu'on cherche les Reddit, les forums, tout ce qui est à l'international, on sent, même quand il y a d'énormes plaintes, que ça n'atteint pas directement les développeurs de MiHoYo. Je pense notamment au premier anniversaire du jeu qui avait fait énormément polémique, car en général, dans un jeu vidéo, surtout gacha, dans les jeux en service, au bout d'un certain temps, notamment les anniversaires, on s'attend à recevoir quelques récompenses pour nous, justement, récompenser notre fidélité, d'être toujours là après un an de jeu, deux ans de jeu, trois ans de jeu. Sauf que pour MiHoYo, ce n'était pas du tout le cas. Pour l'anniversaire du jeu, on a eu quasiment rien. Beaucoup de joueurs ont dû se plaindre et faire justement du review bombing, à savoir descendre la note du jeu sur les stores que sont le Google Play Store et l'Apple Store, pour se faire entendre justement auprès de MiHoYo, jusqu'à espérer avoir quelques petites récompenses. Mais on sentait que c'était beaucoup plus pour un peu apaiser les esprits que pour vraiment célébrer l'anniversaire du jeu. Alors qu'à l'inverse, chaque année, lors du Nouvel An chinois, il y a un gros événement dans le jeu qui se passe notamment encore à Liyue. Et là, on reçoit généralement énormément de récompenses. Fête des lanternes, c'est ça. Qui est très joli d'ailleurs, très agréable cet événement. Sûrement un des meilleurs événements du jeu, mais qui est lié au Nouvel An chinois. Oui, et absolument pas au Nouvel An justement de notre calendrier à nous, ou même à l'anniversaire du jeu. Genshin Impact a particulièrement séduit les joueurs et joueuses de par son univers et le design qui va avec. Un artbook est sorti cet été, traduit en France, ce qui est quand même assez exceptionnel aussi. Une expo a eu lieu à Paris. Un animé va voir le jour, réalisé par le studio Ufotable, à qui l'on doit l'adaptation de Demon Slayer. Et est-ce que finalement, c'est surtout ça, le succès de Genshin Impact, ce style et ces dessins, ces personnages que l'on suit? Bah oui, parce que je trouve que le jeu est vraiment très joli, très abouti, les environnements sont magnifiques et ça joue beaucoup. Et voilà, et je pense que tous les fans et la communauté qu'il y a autour font vivre le jeu aussi. Comme tout ce qui a du succès, hein, que ça soit Star Wars ou des choses comme ça, il y a toujours la communauté derrière qui fait que le média continue de vivre, et on le voit avec les nombreux cosplays qu'il y a. Enfin, moi, je me disais au début du jeu, quand je jouais, je me disais, les personnages sont faits pour être cosplayés et j'en vois pas. C'est bizarre. Bon, c'était en plein Covid, en fait. J'étais un peu bête. Maintenant qu'il y a de nouveau les conventions, il y a pas que grand ça. Monde dehors, mais à ce moment-là, il y avait pas. Mais là, je vois que ça, n'importe quelle convention, même si ça traite pas forcément de jeux vidéo. Là, j'étais à une convention qui parle de yaoi, de boys love, donc d'histoire entre garçons et tout. Et il y avait que des cosplays de Genshin Impact, alors que le jeu, justement, comme on le disait, est un peu frileux sur ça. Donc c'est hallucinant. Et voilà, et l'expo, comme on le disait aussi, a eu un succès phénoménal. Il y avait la queue sur trois pâtés de bâtiments et tout. Donc voilà, c'est vraiment la communauté aussi autour qui font des fan art aussi. Voilà, les fan art magnifiques. Les fanfictions. Les fan art, ça me donne envie d'avoir les personnages plus que limite les vidéos d'introduction officielles. Donc tout ça, ça contribue forcément au succès du jeu aussi. Et ce qui est fou, c'est justement de voir à quel point les communautés se sont emparées de la représentation de ces personnages dans différents médias. Mais quand on va parler, par exemple, dans des sur des forums de jeux vidéo en disant bah voilà, moi je suis joueur de Genshin Impact, très vite il va y avoir une réaction, dire, ah là, c'est le joueur des garçons qui aiment bien les petites jeunes filles, etc. Il y a aussi cette idée que Genshin Impact serait gratuit et même à la limite de la légalité pour certains, alors que justement, pour vécu par les communautés, ça a l'air d'être quelque chose de complètement différent. Comme si ce même jeu avait différents visages suivant la communauté qui en parle. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment... Il y a le côté, c'est un petit jeu, il est gratuit, il est sur portable, donc il est un peu mal vu par certaines personnes. Maintenant, on dit, bon, bah, il a quand même mis dur dans le temps, il y a des mises à jour tout le temps, il y a plein de personnages, et la communauté qui est là et qui est vraiment très fan et qui fait plein de choses à côté. Et oui, après, il y a quand même ce côté du harem de personnages, parce que ça peut être justement le côté féminin ou masculin d'essayer d'avoir le plus de personnages possible, qui peut être critiqué, mais bon, ça fait partie aussi de l'ensemble. Et justement, on va écouter Lu Wei lors d'un discours et on va voir ce qu'il en pense justement de ce côté harem de Genshin Impact. Monsieur Wei, je voudrais vous poser une question. Nous avons déjà vu passer beaucoup de jeux qui ciblaient un segment spécifique du marché. Et je veux vous demander, quand vous aurez 40 ans, quel sera votre positionnement ? Je veux dire, si votre compagnie continue à faire des jeux, comment dire, ce genre de jeux d'otaku qui ciblent les otaku, comment voyez-vous le futur sur cet aspect ? Eh bien, comme je l'ai dit auparavant, nous nous concentrons sur les otaku. Mais selon vous, otaku est un mot qui ne désigne que les otaku de 16 à 39 ans ? Ce que nous faisons n'est pas juste un jeu. On utilise le jeu comme une porte d'entrée, pour créer une idole virtuelle. En fait, j'en ai déjà parlé avec des investisseurs qui étaient trentenaires. Et ils ont aussi dit que les hommes de 30 à 40 ans pouvaient aussi avoir ce type d'impulsion émotionnelle. Je veux dire, ils sont toujours jeunes dans leur cœur. Et tout ce qui contient des jolies filles, toutes mignonnes et innocentes, beaucoup d'hommes, après 30 ans, continuent d'aimer ce genre de choses. Donc, si on arrive à un produit vraiment bien fait, avec une expérience émotionnelle aboutie, les hommes de 16 à 39 ans, on peut tous les avoir. Une OPA sur les otakus du monde entier. Et ça, c'était en 2011, donc bien avant la création de Genshin Impact, dans un discours de 9 minutes où il présentait déjà le jeu vidéo dont il rêvait. Et force est de constater que ils s'y sont tenus, Julien. On est d'accord que Genshin Impact est aussi un petit peu le rêve réalisé des otakus. Alors totalement, surtout que le jeu s'accompagne quand même de, comme on le disait un petit peu avant, de beaucoup de fanarts, et qui sont extrêmement mis en avant aussi par le studio. MiYoYo fait très souvent des concours de fanart, de création originale, même de TikTok, tiens on revient au gouvernement chinois, pour mettre en avant justement le jeu et les créations, et justement les personnages, et leur donner encore plus de valeur ajoutée. Julien, c'est très très bien que vous rappeliez à qui appartient TikTok, parce que souvent, je sais que quand on parle de ce genre de sujet, les gens réagissent en disant « Mais vous rendez compte, c'est le parti communiste chinois qui est derrière Genshin Impact, nos enfants y ont accès, etc. etc. » Il faut juste rappeler que la quasi-totalité des médias français, actuellement, ont décidé de... mettre en avant TikTok, de faire des vidéos en permanence, de relayer des articles dessus, et que si vous dénoncez la mainmise du gouvernement chinois sur un jeu vidéo Genshin Impact, il faut la dénoncer aussi sur TikTok parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Et en fait, ce qui se passe au niveau de Genshin Impact n'est ni plus ni moins qu'un laboratoire du soft power. On y revient, Julien. C'est ça. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui s'en fichent éperdument, qui veulent juste jouer à un jeu dans lequel ils se sentent bien, avec un univers qui les intéresse. C'est une question beaucoup plus large. Quand est-ce que ça arrive justement l'écoute et la surveillance du gouvernement chinois ? Est-ce que si j'ai un téléphone, c'est déjà trop tard ? Est-ce que si j'ai une certaine application, c'est déjà trop tard ? Est-ce que je vais faire quelque chose pour lutter contre ça ? Ou est-ce qu'à l'inverse, je vais m'en ficher complètement et je vais y aller à fond ? Chacun a un peu sa petite doctrine, j'ai envie de dire. Et Olivier Bénis, sur ce sur ce rapport très ténu entre la politique, le jeu vidéo et la manière justement de conquérir un marché. Est-ce que aujourd'hui ce type de d'économie est l'avenir du jeu vidéo ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est un petit peu remis en question ? Bonne question. Alors j'ai envie de dire d'abord qu'on ne sait pas parce que le jeu vidéo évolue c'est la meilleure tellement réponse. Vite que tout peut. Si on avait dit il y a 5 ans que les plus gros revenus pour un jeu vidéo ce serait sur un jeu mobile. Qui aurait un doublage qui serait aussi beau, voire plus beau qu'un Zelda sur Switch et qui aurait des musiques faites par des orchestres philharmoniques à travers le monde. Enfin voilà, personne, moi j'y aurais pas forcément cru. Voilà. Et pourtant on y est. Donc voilà, c'est un univers qui bouge très très vite. Est-ce que c'est le modèle économique qui va s'imposer ? Je pense que ça va se faire sa place, en fait, à mon avis, parmi les autres modèles. Ça risque peut-être d'encore accentuer cette espèce de falaise, j'allais dire, enfin de gouffre entre le jeu console, où on va avoir des gens qui seront prêts à investir immédiatement dès l'achat du jeu, en fait, dès l'achat de la console, l'argent, pour ensuite passer du temps dessus, et les gens qui passeront du temps dessus pour ensuite éventuellement investir. Voilà, c'est difficile d'évaluer à quoi ressemblera le marché du jeu vidéo dans quelques années, parce que je me souviens que il y a pas si longtemps, avant que sortent la PS5 et la Xbox Series, on disait il y aura pas de nouvelles consoles de nouvelle génération, c'est fini les consoles, ce sera que le jeu mobile. En fait, non, pas du tout, et la Switch notamment est là pour le prouver, puisqu'elle bat régulièrement des records de vente, elle a battu toutes les autres consoles de salon existantes, me semble-t-il, récemment, en termes de nombre de ventes. Donc voilà, c'est un marché qui bouge. Il y a des gens qui ont des idées pour gagner de l'argent autrement. Ça fonctionne très très bien pour Genshin Impact. Ça fonctionne beaucoup moins pour d'autres qui restent sur les modèles classiques, évidemment. Donc, et d'ailleurs, le jeu service avec une connexion internet et puis des choses à obtenir en achat supplémentaire est remis en question. Voilà, on voit que Marvel Avengers, qui était pourtant porté par Square, la licence Avengers. Qu'ils avaient un gros studio côté jeux vidéo, ils avaient une énorme licence côté global et côté grand public, et pourtant ça marche pas. Alors que le jeu est pas si mauvais que ça, il est même plutôt bon quand on y passe un peu de temps. Et même Suicide Squad, le prochain grand jeu fait par les créateurs de revenir en arrière. On voit que notamment tous les projets, on nous parlait il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, je me souviens que Ubisoft parlait de des NFT comme une espèce de truc futuriste, genre le jeu vidéo va changer pour toujours. Et là, ils sont tous en train de, y compris Ubi, de dire ah là là, attention, finalement, on parlait plutôt d'une expérimentation, on n'était pas vraiment pour. Donc voilà, c'est difficile de dire à quoi va ressembler ce marché. C'est pareil, on parle énormément de gros succès, de jeux qui brassent des milliards et tout. Et en même temps, on n'a jamais eu un monde du jeu indépendant aussi vif et actif, je trouve, depuis 5-6 ans, voire depuis 10. C'est un monde changeant. C'est comme le cinéma, comme la littérature, comme tout. C'est un univers culturel où il y a de la place un peu pour tous, je pense. Même si c'est plus ou moins compliqué selon les endroits et qu'évidemment, le fait de faire de l'argent reste quand même le nerf de la guerre pour tous les studios. Mais voilà, ça va être intéressant en tout cas de voir comment ça se développe, de voir si un jeu comme Genshin Impact est encore beaucoup joué dans 3, 4, 5, 6 ans, s'il y a autre chose qui, avec le même modèle, fait mieux, ou s'il y a encore autre chose avec un nouveau modèle qui arrive. Voilà, tout ça pour revenir à ma phrase au début, je ne sais pas, Frédéric, je ne sais pas. C'est le plus beau « je sais pas » de l'histoire de la radio, Olivier Bénis. On n'ose pas assez dire cette phrase. Mais tu parlais un petit peu avant des enfants illégitimes de Zelda Breath of the Wild, mais c'est vrai que Genshin Impact commence également déjà à avoir pas mal d'enfants illégitimes de son propre côté. On a beaucoup de jeux qui déjà, très souvent gacha, se préparent à sortir. On a notamment Blue Protocol qui sort bientôt sur mobile. On a Weathering Wave aussi qui est sorti ou qui va bientôt sortir, je ne sais et plus. Et Tower of Fantasy. Tower of Fantasy également, qui reprend énormément de choses de Genshin Impact et qui avait même eu des accusations de copyright puisqu'il y avait quelques personnages de Genshin Impact qui étaient trouvables sur certaines campagnes marketing. Donc c'est vraiment un jeu qui, à lui seul, commence déjà à influencer d'autres jeux du marché, en fait. Et MiHoYo ne compte pas en rester là aussi. Il y a un nouveau Honkai Star Rail qui a été annoncé. C'est ça. Déjà, le prochain jeu de MiHoYo sort le mois prochain, je crois, de mémoire. Honkai Star Rail, qui lui, à l'inverse, ne sera que sur smartphone. Là où Genshin aussi, sa force, est d'être disponible sur PC et surtout sur PlayStation de façon complètement gratuite. Et d'être cross-platform, c'est très important, mais on peut jouer avec tous les joueurs des autres plateformes, ça c'est... Et on peut passer de l'une à l'autre, c'est ça. Alors, par contre, il y a un souci désormais lié à la législation de l'Apple Store, c'est que les achats faits sur téléphone ne sont plus validés si jamais on a un compte PlayStation. De toute façon, il y a toujours un souci avec l'Apple Store. Voilà. Que ce soit avec Fortnite, avec... Mais c'est vrai que ça change la vie, parce que comme moi, je joue sur PlayStation, maintenant, je peux avoir le jeu sur mon portable, mon mobile, et en vacances, par exemple, je peux allumer Genshin et faire mes quotidiennes, alors qu'avant, j'avais un Genshin Sitter, quand je partais en vacances, qui jouait à ma place avec mon compte. Alors ça, mais pourquoi vous n'avez pas commencé par ça? Ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a... Je le remercie, d'ailleurs. Il faisait ça bénévolement. Bah oui, je lui ai dit... C'était pas un vrai métier. Non. Il était payé en résine. Mais ça peut peut-être lancer un marché, mais bon. J'en ai vu qu'il faisait, hein, vraiment des Genshin Sitter rémunérés pour s'occuper d'un compte. Ah ouais. Mais il l'a fait gratuitement, cet imbécile. S'il nous écoute, spécial dédicace. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des gens qui... Oui, j'en ai déjà vu sur des forums, sur les réseaux sociaux, qui proposaient leurs services. Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous absentez cet été? Je peux m'occuper de votre c'est compte. C'est ça, moi, ils se connectaient tous les jours pour faire mes quotidiennes. J'avais acheté une faveur de la nuit, là, qui justement donne des récompenses. Il faut se connecter tous les jours. Donc, ils se connectaient pour avoir ces petites récompenses à ma place. Voilà. Ah là là, mais là, il y a un monde des possibles qui vient de s'ouvrir à moi. On parlait vraiment d'investissement du joueur, de l'inciter vraiment à se connecter tous les jours. Et la preuve, ça marche très bien. Parce qu'on se dit que si on ne se connecte pas un jour, on va rater quelque chose. C'est des ressources que l'on perd, entre guillemets. Mm. Et alors, on parlait justement des transpositions sur d'autres consoles. Et je sais que depuis que Genshin Impact existe, il y a une demande qui a été faite, c'est... À quand Genshin Impact sur Nintendo Switch? Et c'est vrai qu'a priori, la corrélation, elle est directe, mais on a l'impression que Nintendo est le dernier bastion qui a très bien compris ce qui est en train de se passer. Le Japon et la Chine. Et qui dit non. Alors, je ne sais pas si ça bloque du côté de Nintendo ou si c'est le développement qui prend du temps, ce qui est possible aussi, parce que c'est une problématique qu'ont quasiment tous les développeurs de jeux. C'est-à-dire que souvent, faire un jeu multiplateforme PS4, PS5, Xbox et Switch, c'est compliqué pour la Switch parce qu'elle a... Elle est un tout petit peu moins puissante, elle a un écosystème qui est un peu différent, etc. Donc il y a des choses à adapter. Après, je vois pas de raison objective techniquement pour que Genshin Impact ne puisse pas fonctionner sur Switch, puisque ça marche sur téléphone. Donc voilà, sans minimiser la puissance des téléphones aujourd'hui, on est quand même sur une console mi-salon, mi-portable certes, mais qui affiche des graphismes HD sans problème, qui a fait une adaptation de The Witcher il y a pas très longtemps, The Witcher 3, qui pourtant était réputé inadaptable sur une console comme la Switch, ça a marché et ça marche très bien. Donc voilà, je ne sais pas ce qui bloque. Je dis beaucoup, je ne sais pas. Mais je suis certain que les auditeurs, ils sont sensibles. Et on va recevoir des mails en disant « Ah, enfin, quelqu'un... » Quelle humilité. Quelqu'un qui ne la ramène pas. C'est... Voilà. Non, mais c'est vrai que ça paraît tellement évident, en fait, d'avoir Genshin Impact sur Switch, parce que ça permettrait d'unir le meilleur des deux mondes, qui serait de pouvoir jouer dans son salon et ensuite de partir sans avoir besoin d'un appareil supplémentaire pour jouer en vacances. Mais bon, pour l'instant, officiellement, la version est toujours en développement, ce qui me laisse supposer qu'il n'y a pas de problème juridique, en tout cas, avec Nintendo. Mais bon, pour l'instant, ça n'arrive pas. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi le système gacha qui pose souci? Parce alors, que c'est ne possible crois pas qu'il y ait de gacha sur Nintendo Switch, alors que Nintendo, pourtant, en propose lui-même avec ses Fire Emblem et tout, mais pour le coup je pense que ça peut être aussi un petit problème du côté de Nintendo qui peut ne pas vouloir promouvoir ce genre de marché sur sa console portable. Surtout qu'ils ont, quand même, même si c'est quand même une console beaucoup plus grand public que certaines précédentes de Nintendo, mais ils visent un public jeune, en tout cas, et les enfants font pleinement partie de l'écosystème de la Nintendo Switch, et donc c'est vrai que ça peut poser problème de dire on propose ça. Mais bon, il y a Fortnite, par exemple, qui marche, qui est sur Switch et qui marche très bien. Oui, donc a priori, oui, c'est vrai que si jamais on veut en faire une histoire morale, dès qu'on a Fortnite chez soi... Oui, je crois qu'on peut dégainer de la moralité sur beaucoup de choses, plein d'éditeurs. On voit très souvent des histoires d'enfants qui ont utilisé la carte bleue de leurs parents pour acheter des skins sur Fortnite pour plus de 1000 euros. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Julien Madiot, merci beaucoup. Merci à vous. Olivier Bénis, toujours un plaisir. Cyronimo, ravi de vous avoir eu pour la première fois dans Blockbuster pour parler de Genshin Impact. Donc voilà, chers auditeurs, si vous connaissiez déjà, vous connaissez un peu mieux. Et si jamais vous ne connaissiez pas ce phénomène qu'est Genshin Impact et les bénéfices que ça génère et toutes les ramifications politiques que ça peut avoir, c'est chose faite. Aujourd'hui, j'aimerais remercier très chaleureusement Marion Lelay à la réalisation. Cette émission a été préparée par Benjamin Dufy, qu'on applaudit bien fort. Et aujourd'hui, on l'applaudit tout aussi fort, Pauline Laverdure à la technique. On se retrouve dans 15 jours pour parler cette fois-ci de John Wick avec Keanu Reeves. We should head off. Let's get going. Blockbuster est un podcast original de France Inter.